1935, Léon de Grelle déclarait la guerre à tous ces pourris, à tous ces gangsters. Face à ces rats, Rex se vaincra. En Allemagne, tu rencontres Hitler, rêve d'une Europe unie qui se construit. Mais les démocraties déclarent la guerre contre tous ces traîtres, les gens wallonis. Socialisme.